Il faut un travail particulier sur l'alambic entre la lavande et une autre plante, très simple. Oui, tout à fait. La désinfection, ce qui s'appelle la désinfection. Donc, systématiquement, quand vous avez fini de distiller cette plante-là, soit elle se fait avant, soit ça se fait après. Ça n'a pas d'importance. Même sur le repos, on peut le faire ou avant ou après, comme on veut. Donc, vous ouvrez votre cuve, vous la remplissez de foin ou de luzerne à bloc, et vous faites tourner ça entre 25 minutes. Donc, je passe sur un pH neutre, vos molécules sont raclées, nettoyées, et à la sortie, vous allez voir, sur le décanteur, vous allez voir des petites taches d'huile de la plante qui a été distillée avant. Et à partir de là, vous remettez l'autre plante derrière, une fois que la désinfection est faite. Parce que si vous ne faites pas ça, vous pouvez rater quelque chose. Vous pouvez rater un AOC. Si vous avez distillé de l'isop, c'est fini. Vous remettez de la lavande sans prendre des précautions de désinfection. Vous pouvez avoir une pollution entre deux huiles. À la sortie, vous allez avoir quelques molécules, quelques produits d'isop. Et suivant sur la première truc que vous prenez, quand vous prenez une éprouvette pour faire un échantillon, là aussi, elle vous dit, monsieur, votre huile elle est polluée par quelque chose, une autre plante, elle ne passe pas là aussi. Et donc, pour la qualité de l'extrait, il est logique qu'on d'ici avant, il mettait un coup de vapeur pour racler. Pour moi, ça ne suffit pas. Comment vous avez appris ça? C'est des personnes qui m'ont expliqué si on veut travailler comme il faut, mais après, peut-être, moi, ce que je te dis, une connerie. Et ce qui est marrant, c'est que quand on dit toujours, moi je te dis une connerie, c'est à force que cette connerie, il faut l'essayer quoi, pour voir si c'est vrai quoi. Mais bon, j'ai fait des essais, hein, je veux dire, bon. Donc c'était quelqu'un d'autre qui l'avait déjà fait. Ah, sûr, mais sûr qu'il le faisait. Avant, il le faisait. Pas systématiquement avec la lavande, parce qu'ils n'avaient pas de. Comment dirais-je ? Ils n'avaient pas d'autres plantes. Eux, ils n'avaient pas de soucis à faire ça, à son époque. C'était lavande. Il n'y avait pas de problème. Nous, dans une même machine, on fait trois plantes différentes.